qu'un apprenti. Je suis né dans la nature, j'apprends sur le tas, j'ai survécu comme Bambi. J'ai volé, j'ai péché, j'ai menti, mais je suis pas si mauvais, je suis pas un bandit. On m'a éduqué comme un gentil, mais c'est juste que je suis qu'un homme, putain de merde, je suis pas parfait, je suis pas Gandhi. J'apprends mes erreurs tous les jours, je bétonne, je me relève, c'est comme ça que je grandis. J'ai les gros bras en l'air, je brandis. Roule avec moi ou bien tant pis. On me dit que j'ai l'air insensible, pourtant dans ma tête, putain d'incendie. Rageur en l'air, bien dressé, défini, bien mon ressenti. Bambi rêve d'un portefeuille rempli. Je veux plus compter mes centimes. J'ai du roro pour mes tantines. Moi je mange pas dans leur cantine. Mon stylo bleu écrit des textes noirs, donc je n'écris pas de comptine. Chaque miel au boulot je m'enquille, je fume et je languis. Mais pour toi de l'eau qui dort, je me trouve sous la roche derrière les anguilles. Cette putain de vie, je suis qu'un apprenti. Rageur en l'air, bien dressé, défini, bien mon ressenti. Je vis et je survis comme Bambi. Roule avec moi ou bien tant pis. Peu à peu, je construis mon empire. Au beau milieu des vampires, j'ai beaucoup de semer ça empire. Je pensais, je me dis quand est-ce que je prends mon dieu et j'encaisse. Les mœurs sont plus d'odeur, mais ma putain de jeu et mon but en peste. Je veux tout graille tant qu'il en reste. J'ai des mauvaises pensées qui m'encerclent. Donc je pose mes peines gigantesques sur des putains de mélodies dantesques. Ah, le ciel est apocalyptique. J'oublie pas que Dieu est grand et que vu d'en haut, la race humaine est sceptique. Je pisse sur le monde jusqu'à la cystite. Mon cœur sur la rythmique, pour le cas je fais de l'arithmétique. Le soir je fume sur le stick, je médite, j'ai ma conce donc j'évite les flics. J'en ai plein grâce au bif des 10. Moi je suis pas de ceux qui se déguisent. Dans ma tête impossible, je t'explique. Dans ma tête impossible, je t'explique. Donc j'allume et je me tire, je m'éclipse. Genre je one avec une petite équipe. Quand je one avec une petite métisse. Ah et je survis comme Bambi. Majeur en l'air, bien dressé, défini, bien mon ressenti. Cette putain de vie, je suis qu'un apprenti. Je suis plus très loin des 30 piges. Je m'en si je dis ça va tranquille. J'ai trop de soucis qui s'enfile. J'ai envie de pêche, mon tel. Sans fil, j'ai toujours sans fil. Je trouve pas mes gardes, je reste sur mes gardes. J'évite les mégards. J'suis pas très pétard, j'suis toujours pétard. Ça fait que j'suis tétard. Parfois j'm'égare, j'fais des petits écarts quand il est tard. Genre, j'allume des pétards et j'me tape des barres et mon cœur se répare. J'ai trois regrets, deux trois secrets, j'ai trois regrets. Deux trois trucs que j'ai refait. Pas du concret, pas d'à peu près. Pas de respect pour les deux traits. Toujours dans le vrai pour de vrai. Garder avant la retraite, prendre cette putain de vie en levrette. Car la vie m'a déçu, j'oublie mes blessures quand j'me fais cessu. Mon taux de sentiment est nul, toute la semaine, mon bonheur j'simule. J'fais mieux passer la pilule, avec la bug que j'dissimule. Le poids de mes peines, j'mets semelle, à force de pédaler dans la semoule. Cette putain de vie, j'suis qu'un apprenti. Majeur en l'air, bien dressé, défini, bien mon ressenti. J'suis survie comme Bambi, on me dit que j'ai l'air insensible. Pourtant, dans ma tête, putain d'incendie. J'suis pas parfait, j'suis pas Gandhi. Roule avec moi ou bien tant pis. Dans cette vie, rien n'est garanti. J'fume, j'vois tout au ralenti. J'suis réveillé, j'ai pas envie. Y'a comme ça que j'me sens en vie. Et quand les lumières s'éteignent. Dans mon cœur, l'ambiance est terne. Je fume, j'ai les yeux rouges, comme le sang que je vois quand je les ferme. Je survis comme Bambi, Majeur en l'air, bien dressé, défini, bien mon ressenti. Cette putain de vie, je suis qu'un apprenti. Je survis comme Bambi.